J'aime ce que tu dis, ce que tu es, ce que tu voudrais me donner. Mais je ne suis qu'un étranger. Toi, toi qui brûles mes doigts, oh, regarde-moi, tu ne vois pas que rien ne change un étranger comme moi. Mais j'aime quand tu dis oui, quand tu dis vrai, quand tu désires briser mes chaînes. Je ne suis pas de ce qu'on aime. T'aimes les fous de tout, les tout de rien, les brefs instants qui font du bien. Oui, mais le moi, tu ne sais rien. Toi, toi qui brûles mes doigts, oh, regarde-moi, tu ne vois pas que rien ne change un étranger comme moi. Mais t'aimes les gens qui croient que le monde s'aime, que l'on soit tous un peu. Resterai toujours le même. Toi, toi qui brûles mes doigts, oh, regarde-moi, tu ne vois pas que rien ne change un étranger comme moi. Mais tu crois qu'avant tout c'est comme ça, oh, qu'on ne doit pas vivre sans ça, que l'on soit étranger comme moi ou pas, qu'on ne doit pas vivre sans ça, que l'on soit étranger comme moi ou pas, qu'on ne doit pas vivre sans ça, que l'on soit étranger comme moi ou pas.